السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Continue l'explication du livre شرف سنة للإمام البردهاري رحمه الله تعالى avec les remarques et l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh Suhaimi, Cheikh Rabi' Madkhali, Hafizahum Allah Ta'ala. قال الإمام البربهاري رحمه الله وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه وكيف يعرف أنه ليس منه إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادات إلى دين من بربهاري conformément à la parole du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور prenez garde aux choses nouvelles, aux nouveautés car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. C'est ce qui est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi l'innovation, c'est ce qui a été ramené comme nouveauté dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa laysa minhu, alors qu'elle ne fait pas partie de la religion. Il pense qu'il peut adorer Allah tabaraka wa ta'ala par cette chose, par cette parole, par cette irtiqad, par cette croyance, par cette action. Il fait croire aux gens qu'elle est et qu'elle fait partie de la religion d'Allah alors qu'elle n'en fait pas partie. Et comment est-ce que tu vas savoir qu'elle n'en fait pas partie? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve, aucune trace de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait ou de ce qu'il croit, l'irtiqad, dans sa croyance. La fi kitabillah ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أثار السلف الأمة ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna de son messager عليه الصلاة والسلام ni dans les traces des pieux prédécesseurs رضي الله تعالى عنهم ولله الحمد la religion d'Allah est parfaite et complète puisqu'Allah تبارك وتعالى a mentionné اليوم أكملت لكم دينكم aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Je l'ai complété. Donc si Allah Azza wa Jalla lui-même dit qu'il a complété cette religion, qu'il ne l'a pas achevée, qu'elle est complète, comment quelqu'un peut-il venir après innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le rajout n'est pas accepté. فما علينا إلا نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات إلى آخره يعني من البدع. Ainsi, nous n'acceptons dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala aucun rajout, ni transformation, ni manquement, le fait de cacher, d'enlever des choses dans cette religion. وسيأتي توضيح أنما أحدث قوم بدعة ما أحدث قوم بدعة un peuple, des gens, un groupe de gens innove, ramène une innovation. إلا نزع مثلها من السنة sans qu'il aurait enlevé en même temps une sunna. Il ramène une bid'a, une sunna l'aurait enlevé. Il ramène une autre bid'a, une sunna l'aurait enlevé. Il ramène une bid'a, une sunna l'aurait enlevé. فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. Voici ce qui est le droit chemin, c'est le fait de se conformer à la jama'a, à la sunna et à la jama'a, et de se conformer à la sunna et de délaisser l'innovation. وقوله الإمام البربهاري رحمه الله كل بدعة ضلالة فليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعضهم بل البدع كلها ضلالة بالنص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة البدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا بل كلها ضلالة وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إمام بربهاري a suivi le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit toute innovation est un égard. Toute. Et il n'y a pas de البدعة الحسنة comme on veut nous le faire croire aujourd'hui. البدعة الحسنة. Et lorsque tu lui demandes d'où tu tiens ça, al-bid'atul hasana, étant donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fa'inna kulla, toute. Hal anta a'lamu min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi lughati al-arabiyya? Qala billah, fa'inna kulla bid'atin, kulla mu'dathatin wa kulla bid'atin. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute nouveauté, toute innovation. Comment quelqu'un peut-il venir après lui dire Al-bid'atul hasana. وجاء بكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام النووي معروف أنه من أئمة السنة من المحدثين عالم في السنة من أهل السنة والجماعة. Alors il vient avec la parole de l'imam النووي رحمه الله qui est un grand savant de la sunna en son temps, qui était un savant du hadith, qui faisait partie des gens de la sunna, et il répondait aux innovateurs par rapport à ses paroles, ne serait-ce que dans le livre Riyad Salihin, que tout le monde connaît. Et il est vrai que l'imam Nawawi rahmallah a classé les innovations. Et parmi elles, il a mentionné Al-Bid'atul Hasana, ou Mubaha, celle qui est permise. Mais les autres ulama de Al-Sunnah ont corrigé cette chose-là en la mentionnant comme étant une erreur. Même si quelqu'un, min aïmati Sunnah, qui fait partie des gens de la Sunnah, à partir du moment où ce qu'il dit est contredit par Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors on ne prend plus sa parole, mais on suit le Hadith. Et eux-mêmes le savent mieux que nous. Ne croyez pas que vous aimez plus la sunna que les ulama. Ne croyez pas que vous aimez plus la sunna que les ulama. A'lamu min al-nas hum al-ulama, ulama sunna. Ainsi, si un des savants commet une erreur dans une parole qu'il a mentionnée, on ne suit plus cette erreur. Mais on revient au texte. Et il n'y a rien d'étrange à ce que certains savants corrigent d'autres savants. Il ne faut pas être choqué par ce genre de choses. L'alim foulain, il rudd ala foulain. Aïn al mushkil. Sunni yarudd ala sunni. Aïn al mushkil. Il est où le problème? Quelqu'un qui appartient à la sunna, qui corrige quelqu'un de la sunna. Ça pose problème? Ça pose pas problème. Nattabi'u al-haq, la nattabi'u fulan wa fulan. Nattabi'u al-haq, nattabi'u sunna. Ça ne pose pas de problème parce qu'on ne suit pas la personne, nous. On suit la vérité. Si elle dit la vérité, alors on la suit. Le jour où elle ne dit plus la vérité, on ne la suit plus. Donc il n'y a rien d'étrange parce qu'un savant, grand savant de la sunna, il corrige un autre grand savant de la sunna. Et cela est connu depuis As-Salaf al-Saleh, depuis les pieux prédécesseurs. Aïna fitna. Ne dites pas qu'il y a une fitna là où il n'y en a pas. Hein, on entend, surtout vers la zaman, moi je ne rentre pas dans la fitna. Le problème c'est qu'ils vont dans l'exagération. C'est non seulement ils ne rentrent pas dans la fitna, yani mutlaqan, ils ne rentrent pas dans cette fitna. Ils entendent des choses, mais ils disent on ne rentre pas dedans. Mais ils s'arrêtent là. Ça c'est une erreur. Dans cette fitna, comment vas-tu savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Il faut compléter cette phrase. Je ne rentre pas dans cette fitna et je reviens au ulama. Ar-ruju' ila ahli al-'ilm, et je reviens aux savants. Et eux vont pouvoir m'indiquer que faire quand cette fitna elle arrive. Mais de dire on ne rentre pas dans cette fitna mutlaqan, yani absolu, ça c'est faux. Si on ne revient pas au ulama, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va être à l'abri de cette fitna? Parce que tu crois qu'en disant je ne rentre pas dans cette fitna, elle ne va pas te toucher. Une tempête, c'est une tempête. Il faut revenir, il faut aller se cacher, se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Et se mettre à l'abri le plus rapidement possible, c'est se mettre à l'abri des montagnes, au pied des montagnes. Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il parle des montagnes dans le Coran, il montre toujours, subhanahu wa ta'ala, que c'est l'abri le plus sûr sur terre et c'est l'abri le plus, la chose la plus solide, la créature la plus forte. Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla lui a dit? Regarde cette montagne, si elle tient, tu me verras. Si elle ne tient pas, tu ne me verras pas. Et la montagne elle s'est effondrée. Ici Allah tabaraka wa ta'ala, il a montré la créature la plus forte sur terre. Que si cette créature la plus forte sur terre ne peut pas tenir devant la vision d'Allah, ce n'est pas de Bachar. Bon, Moussa alayhi salatu wa sallam était connu pour être fort pourtant. Mais ce n'est pas un homme qui peut tenir devant la vision d'Allah. Waljibala awtada. Quand Allah azza wa jalla a mentionné dans le Coran, les montagnes comme des pieux. Et Tafsir ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il a mentionné comme des pieux pour équilibrer la terre. Il y en a tellement elles sont fortes. Tellement elles sont fortes. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné, si la révélation elle descend sur une montagne, la montagne elle ne pourrait pas tenir cette révélation. Et ici encore, il a montré ce qu'il y a de plus solide, de plus fort. Ainsi, tu te dois de retourner aux montagnes. Ces montagnes, c'est qui? Al-ulama. Tamassikun bil kitabi wa sunna. Bimanhaj al-salaf. Ala sunna. Amam al-fitan. Quand la fitna elle arrive, tout le monde se met à l'abri. Quand une tempête elle arrive, tout le monde se met à l'abri. Mais ne te mets pas à l'abri, il est en dessous d'un petit arbre ou un arbuste. Ou sous une voiture. Non, devant la chose la plus solide. Celle qui ne craint rien. Les montagnes. Et ces montagnes-là chez nous, c'est les ulama. Ulama sunna. Mettez-vous à l'abri. Revenez à eux lorsqu'il y a le fitna. Tu veux pas rentrer dans le fitna? Barakallahu fik. Sahih. Mais reviens au ulama. Parce que ce n'est pas en disant je rentre pas dans la fitna que tu seras à l'abri de la fitna. Ainsi, toute innovation est un égarement, quelle qu'elle soit. Et la bonne innovation n'existe pas. La bonne innovation n'existe pas. وقوله والضلالة وأهلها في النار الضلال وأهل الضلال في النار إما بكفرهم وإما بمعصيتهم فالبدع ليست على حد سواء منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالإسعافة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله تبارك وتعالى إلى آخره فهذه بدع كفرية. Lorsqu'il a dit l'imam Barbahari, rahmallah, et l'égarement ainsi que les gens de l'égarement sont au feu. Cela signifie que l'égarement et les gens de l'égarement sont au feu, ou bien ils sont au feu par leur mécréance, ou bien par leur péché. Ou bien par leur péché. Mais si l'innovation de la personne comporte de la mécréance, ainsi cette bid'a l'emmène dans un feu éternel. Car il y a la bid'a qui comporte le shirk al-akbar, le kufr al-akbar, la grande mécréance, la grande association, dont la personne, malheureusement, cela va le faire sortir de l'islam. Et si cela le fait sortir de l'islam, et s'il meurt là-dessus, alors que la preuve lui est parvenue et qu'il persiste, alors, malheureusement, ce qu'il attend, c'est l'enfer éternel, car sa bid'a le fait sortir de l'islam. Alors qu'il y a l'autre bid'a, moindre, mais qui est pire que les grands péchés, qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais, sahibuhu finnar, mais elle le ramène quand même en enfer, et il devra se purifier de cela en enfer. Et il ne pourra boire, il ne pourra pas boire le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne pourra pas, comme il a rapporté dans beaucoup d'ahadiths fi Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan, dans le chapitre Fitan, chapitre des troubles, où l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a ramené quelques ahadiths où le prophète sallam est à son bassin et on lui ramène des gens. وفي الرواية يقول أمتي أمتي وفي الرواية أصحابي أصحابي يعني ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أبي بكر وعمر وإلى آخره لا يعني من الأمة ويجيب sont mes compagnons non pas en parlant des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم comme أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين mais en parlant de sa communauté on lui ramène un groupe des gens de sa communauté. Dans une version, il dit « c'est ma communauté ». Et on ne les laisse pas boire du bassin. Et il est dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « ma tadari ma ahdathu ba'dak ». Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. « Wa fi rawaya baddalu » ce qu'ils ont remplacé après toi. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il applique le hukm envers Ahl al-Bida'a wa al-Hawa. Al-Walai wa al-Bara, éloignez-les de moi. Éloignez-les de moi. Et ils doivent payer, malheureusement, en enfer pour eux, leurs innovations. وكذا نفي اسم الله عز وجل وصفاته كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات الجهمية qui sont dans une grande innovation et cette innovation les a fait sortir de l'islam puisqu'ils rejettent les noms et les attributs d'Allah تبارك وتعالى فهذا كفر والعياذ بالله et ceci est de la mécréance لأنهم وصفوا الله عز وجل لأنه ليس له أسماء ولا صفات puisqu'ils sont convaincus dans leur croyance qu'Allah n'a ni nom ni attribut. Fayakunu idhan ma'duman. Une chose qui n'a ni nom ni attribut, c'est la définition de quoi? Du néant. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Comme ils ont dit l'Ahbash. Allah Azza wa Jal, laysa lahu makan. Il n'a pas de lieu. Ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni au-dessus, ni en dessous. Et Cheikh Al-Ben, il a rahmallah, leur a répondu, vous avez perdu votre Seigneur. Ça, c'est la définition du néant. C'est quelque chose qui n'existe pas. L'ian al-mawjoud, la bout lahu min al-sifat. Car celui qui existe, il est obligatoire qu'il ait des attributs. Walladhi laysa lahu sifat, huwa al-ma'loum. Celui qui n'a pas d'attribut, qui n'a rien, qui est défini par rien, aucun attribut, c'est la définition de quoi? Du rien, c'est-à-dire du néant, il n'existe pas. Et c'est pour ça que les ulama, jusqu'à depuis le salaf, ils ont jugé que le jahmiya, ils étaient dans le kufr, dans la mécréance à cause de leur croyance. الذين قالوا القرآن مخلوق وجعلوا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل ووحيوه تنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات وقالوا الله لا يتكلم. Ils ont dit le Coran c'est une créature d'Allah comme une autre créature. C'est une créature d'Allah comme une autre créature. Ainsi, ils ont fait ressembler la parole d'Allah, un attribut d'Allah à la création. Ou bien ils disent qu'Allah ne parle pas. وَالَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ لَا يَكُنُوا إِلَاهًا. Comment tu peux adorer quelqu'un qui ne parle pas? Alors que nous-mêmes, on parle. Ça voudrait dire que nous, on peut parler, mais celui qu'on adore, il ne parle pas. Dans ce cas-là, lequel mériterait l'adoration? Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas mérite d'être adoré? Là, une divinité, si elle ne parle pas, elle ne peut pas être la divinité. ماذا قال الله تبارك وتعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. Le peuple de Moussa. ماذا قال الله عز وجل ألم يروا أنه لا يكلمهم. Ne voient-ils pas que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah ne leur parle pas? Ne leur parle pas? Donc dans quel sens? Une chose qu'ils ne parlent pas, on ne peut pas l'adorer. Elle ne mérite pas d'être la divinité. Ici, il y a la preuve que celui qui ne parle pas ne peut pas être une divinité. والجهميه يقولون الله لا يتكلم اذا ليس هو باله تعالى الله عما يقولون. Ainsi, الجهميه, ce groupe الجهميه, disent Allah ne parle pas, donc en conséquence il ne serait pas une divinité et Allah est au-dessus de ce qu'ils disent. وفي سورة طه أَفَلَا يَرَّؤُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا. Ne voient-ils pas qu'aucune parole ne leur aurait donné en échange? Ils invoquent, est-ce que cette divinité elle leur répond? Est-ce qu'elle leur parle? Là. Donc ne voient-ils pas si leur raison elle suivrait la guidée? Ils prendraient conscience que nous parlons à des choses et nous demandons des choses à quelqu'un ou à quelque chose qui ne parle pas. Al-Asnam, ils sont devant des statues, ils invoquent une chose qui ni ne parle, ni ne marche, ni ne prend, ni ne voit, ni n'entend. Alors qu'eux, ils font ces choses-là. Al-Qawi, Yad'u al-Ba'if. Le fort est en train d'invoquer le faible. Alors que celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci est en train d'invoquer plus fort que lui, Allah tabaraka wa ta'ala. هو القوي العزيز. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. يا الله عز وجل دي et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم. من قال وقال ربكم؟ الله تبارك وتعالى وصف بنفسه الكلام. Ici Allah عز وجل s'attribue lui-même qu'il dit وقال ربكم. وقال الله في القرآن والقرآن كلام الله. Ici Allah عز وجل s'il dit votre Seigneur a dit, il parle de lui-même et ainsi à lui-même il s'est attribué le fait de dire وقال ربكم et il s'est attribué ainsi la parole سبحانه وتعالى. فالذي لا يتكلم ليس بإله. Ainsi celui qui ne parle pas ne peut être une divinité. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية. C'est pour ça que beaucoup parmi les savants de Al-Sunna ont rendu mécréants les savants de Jahmiya. دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبينوا لهم الحق. Sans rendre mécréants ceux qui les ont suivis. Lorsqu'ils ont rendu mécréants, ils ont rendu mécréants les têtes, l'aïma, leurs imams, leurs savants. Pourquoi? Parce que les preuves leur sont parvenues à eux, selon la Sunna. Quant à ceux qui les ont suivis, ils ne les ont pas rendus mécréants. Pourquoi? Parce que la parole de la vérité ne leur est pas parvenue. وَإِنَّمَا كَلَّدُوا عَلَى جَهْلٍ تَقْرِيدٍ. Ils ont suivi aveuglément, mais par ignorance. Ils ont suivi aveuglément, par ignorance. فَهَا هُلَيْ فِيهِمْ نَظَرٍ لَابُدْ مِنَ الْبَيَانِ مِنَ الْبَيَانِ لَهُمْ فَإِنْ أَصَرُّوا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِمْ. Quant aux gens de la masse, il faut regarder la situation. Est-ce que la preuve est parvenue à la personne, oui ou non? إِقَامَةُ الْحُجَّةِ لَيْسَ مَنْ أَشْرَكَ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَلَيْسَ مَنْ كَفَرَ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَيْسَ مَنْ أَحْدَثَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَأَهْلُ السُّنَّةِ سَلَفِيُّونَ أَبْعَدُ مِنَ النَّاسِ فِي التَّكْفِيرِ وَفِي التَّبْدِيعِ إِلَى آخِرِهِ. Ce n'est pas une personne qui fait shirk, ça y est, il est mushrik. Ce n'est pas une personne qui fait le kufr, ça y est, il est kafir. Ou bien une personne qui est innove, ça y est, il est mubtadi'. Les gens de sunnah sont les plus éloignés dans le fait de rendre les gens mécréants, ou bien associateurs, ou bien innovateurs. Sans rentrer dans le mas'ala, sur khilaf qu'il y a entre savants, al-udhru bil-jahl, le fait de savoir quand est-ce qu'une personne est excusée par son ignorance. وفي شرح هذه الكلمة قال الشيخ الصحيمي لا خير إلا في الاتباع. وهذا في الحقيقة كلام السلف. الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. الذي الشيخ الصحيمي حفظه الله تعالى dans l'explication il a amené quelques paroles parmi celles-ci. Tout le bien, il n'y a pas de bien dans le fait. لا خير في الابتداع. Il n'y a pas de bien dans le fait d'innover. En vérité, cela est une parole des pieux prédécesseurs qui disait « Tout le bien se trouve dans le suivi, le fait de suivre, et tout le mal se trouve dans le fait d'innover. » وقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. Omar ibn Khattab, il a rapporté qu'il a dit il n'y a aucune excuse pour celui qui s'est égaré tout en croyant qu'il a emprunté une bonne voie, ni même pour celui qui a abandonné la bonne voie en pensant que celle-ci est un égarement. Et certes, après que les ordres, c'est-à-dire d'Allah et de son messager salam, ont été rendus clairs et que les preuves ont été authentifiées, l'excuse n'est plus valable. وفي شرح الشيخ الربيع المدخلي حفظه الله تعالى في الربيع قال أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بكلام الأوزاعي قال إسناد منقطع وقال بدونه إسناد. وعلى كل قال الشيخ ربيع بعد هذه الكلمة قال وعلى كل فهذا الأثر لم يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ترى. Après avoir étudié la chaîne de transmission, avoir essayé de regarder la chaîne de transmission de Omar ibn Khattab qui rapporte cette parole, c'est-à-dire d'où est partie cette parole, est-ce qu'elle est vraiment partie d'Omar ibn Khattab, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit, Cheikh qui est un muhaddith a regardé le kutub al-salaf, le kutub al-ulama, et il a bien mentionné que à plusieurs reprises, cette parole de Omar a été rapportée sans chaîne de transmission. Sans chaîne de transmission. Ainsi, on ne peut pas dire que Omar ibn Khattab a dit cette chose-là. L'imam Barbahari, Al-Barbahari, a rapporté la parole sans isnat, sans chaîne de transmission, comme d'autres l'ont fait. Même s'ils ont ramené la parole, le sens est correct de cette parole. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené. Et cela n'est pas nouveau. Le kutub al-ulama, comme l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, fi kitabihi, kitab al-tawhid, où parfois il a ramené par de l'ahadith, da'ifa, mais qui sont appuyés par les versets qui sont juste avant, dans le même bab, et par les hadiths, d'autres hadiths qui sont authentifiés. Donc sont de l'akhwal, qui sont da'if, avec la chaîne de transmission, mais qui sont bons par le sens, parce qu'ils sont appuyés par d'autres textes, ou bien du Coran, ou bien de la sunna du prophète. Ainsi, on peut garder cette parole, mais on ne la ramène pas à Omar ibn Khattab, puisqu'elle a été rapportée ou bien par une chaîne coupée, ou bien par une chaîne, tout simplement, qu'elle n'a pas été mentionnée. وقوله لا عذر لأحد لأن الله عز وجل بين الحق وفصله في القرآن والسنة فلا عذر لأحد حينئذ في الضلالة لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبعث عن الحق ولم يسأل أهل العلم لم يسأل أهل العلم يعني العلماء فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرط. Pourquoi est-ce qu'il a dit dans cette parole, on retient cette parole qui est il n'y a aucune excuse pour celui qui s'est égaré. Pour celui qui s'est égaré, il n'y a aucune excuse. Ici, il faut bien comprendre le tafsir. Il est connu aujourd'hui que le Hizbiyoun, une Ahli Bida wa al-Hawa, qui montre soi-disant la Sunna, qui montre soi-disant qu'ils sont à la manhaj al-Salaf, mais qui en vérité ne sont pas à la manhaj al-Salaf, qui sont dans l'innovation. Il est connu qu'il montre et qu'il joue yal'aboun ma'aqwal ulama avec la parole des savants. Il joue avec la parole des savants. Quelquefois, une parole d'un savant, ils vont en faire une généralité. Alors que le shir est parlé d'un sujet bien précis. Quelquefois, d'une parole générale, ils vont cacher certains aspects de la religion. Comme un exemple. Simple, afin que tout le monde comprenne. Si أحد من العلماء من أهل السنة il mentionne et il donne le conseil d'être doux entre nous, de s'aider les uns les autres, de ne pas montrer les erreurs des uns des autres, de se conseiller les uns les autres, et tous les conseils qui vont dans ce sens-là. Bien sûr qu'on accepte cette parole. Kalimatul haq, c'est une parole de vérité. C'est une parole qui est tirée du Coran et de la Sunna. Mais est-ce que c'est une raison pour prendre cette parole et effacer chez les gens le fait que l'on ne peut pas critiquer ou bien que l'on ne peut pas ramener les erreurs d'un tel, ou bien qu'on ne peut pas corriger les erreurs d'un tel. Là, ça c'est une chose, et ça c'est une chose. هذا من الدين وهذا من الدين. وهذا بين أهل السنة Et ce genre de parole, c'est entre gens de la sunna. Bien sûr qu'entre gens de la sunna, on va se conseiller. Et qu'on ne va pas parler ouvertement, malgré qu'il est possible de corriger l'erreur d'un tel, afin que les gens ne partent pas avec cette erreur. Quant aux frères, on le conseille. Mais quand ce sont les gens de l'innovation, est-ce que ce sont les mêmes règles? On ne doit rien dire? On doit se taire? On doit laisser partir les fausses idées, les fausses croyances et les innovations? Non. Ainsi, ils jouent avec la parole des savants. Avec la parole d'un savant, mais ils cachent ces autres paroles du même savant qui mentionnent ce que l'on vient de dire. Il est connu qu'ils jouent avec la parole des savants en ne prenant des savants que ce qui les intéresse, que ce qui leur permet de se protéger des gens de la sunna. Car ils savent très bien que les gens de la sunna, qui sont fortement accrochés au Coran et à la sunna, ceux-là, s'ils savent leur égarement, ils parleront les nasihatil ummah, afin de conseiller la communauté. Car ils voient en eux un danger pour la communauté. Ainsi, ce savant-là, il parlera s'il sait des choses sur tel groupe, tel jama'a, ou bien sur telle personne. Ainsi, tu n'as pas le droit de cacher ou de ne rapporter qu'une partie de la parole du savant. Si tu rapportes la parole des savants, ramène la parole complète. Et ramène les deux paroles qui vont dans les deux sens. Aussi bien que c'est vrai, il faut conseiller et qu'il faut éviter le fitna, etc., etc. Mais qui fait la fitna? Celui qui a la sunna et qui veut protéger les musulmans? Ou bien c'est celui qui sort de la sunna et qui lance ses innovations dans le cœur des musulmans? Ainsi, celui qui est visé ici dans la parole, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui s'est égaré, dans le sens où c'est lui qui a voulu cet égarement. Il ne cherche pas la vérité. Il ne cherche pas la vérité. L'imam al-Barbahari, lorsqu'il a ramené cette parole, c'est pour mentionner la personne qui ne cherche pas la vérité, qui ne va pas voir les savants, qui ne demande pas aux gens de science pour se renseigner afin de savoir est-ce que je suis sur le droit chemin ou je ne suis pas. Est-ce que ce que je fais là, c'est correct ou c'est pas correct? Moi, dans ma croyance, je crois en telle chose. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce que le muslim, le sunni, il a cette peur de dévier du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a peur de ça. Donc celui qui est visé par cette parole, il ne faut pas croire que le shir ici le dit, il n'y a pas d'excuse. Comme ils disent al-Haddadiyoun, al-Haddadi. Al-Haddadiya, cette jama'a qui rend innovateur tout le monde. Foulan yakhwani, foulan tabia, foulan kada, wa hakada, wa kada. Il n'y a plus d'al-Sunnah. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme étant comme une branche de tekfir. Comme cette histoire qui est rapportée par certains mashayikhs en parlant de l'khawarij. Deux parmi les khawarij faisaient tawaf. Vous savez qu'on fait tawaf, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de musulmans qui sont avec vous. Et un des kharijis, il a dit à l'autre, pendant qu'il faisait tawaf, il lui a dit, subhanallah, est-ce que tu te rends compte, en voyant toute la foule avec lui, il n'y avait que eux deux qui étaient nel khawarij. Il a dit, est-ce que tu te rends compte, tout un paradis pour toi et moi. Et l'autre il lui a répondu, garde ton paradis pour toi tout seul. Là il a vu qu'il est parti beaucoup, beaucoup trop loin. Sauf parce qu'un savant il met une mise en garde contre un tel, ça ne veut pas dire qu'il l'a rendu innovateur. Tu peux mettre en garde contre un tel en disant, n'allez pas prendre la science chez un tel. Quant au fait de rendre innovateur, ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine des ulama et des savants. Ce sont leurs domaines, ce n'est pas mon domaine. Mais à partir du moment où tu sais quelque chose, avec des preuves, alors tu as le droit de dire à quelqu'un, ne prends pas la science de chez lui. Est-ce que ça veut dire que tu l'as rendu innovateur? Non. C'est que pour l'instant, il dit des choses qui ne sont pas convenables. Il propage des choses qui ne sont pas convenables. Alors pour l'instant, on stoppe et on s'arrête et on attend que cette fitna passe. Et on s'en revient au ulama. Il l'a considéré, cet égarement, comme une guidée. Il y a la preuve ici que le fait de penser que ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il a rapporté dans la parole ici? Il n'y a aucune excuse pour celui qui s'est égaré tout en croyant qu'il a emprunté une bonne voie. Tout en croyant. Il pense, il croit. Il n'a pas les repères du Coran et de la Sunna pour se diriger sur une bonne voie. وقال الله سبحانه وتعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل عن السبيل. Il les détourne, certes, on parle de shayatin. Ici, Allah Azza wa Jalla, il parle des diables. Il détourne les hommes du chemin. Mais ça ne suffit pas. Chouf shaytan, jusqu'au bout. Ne se contente pas de le détourner. Non seulement il le détourne, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Deux choses il fait avec toi. Il te dévie du droit chemin et il te fait croire que ce chemin-là, c'est le droit chemin. Tu peux dévier du chemin et tu te dis, ce que je fais là, c'est pas bien. J'ai suivi ma passion. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas suivre ma passion. Là, tu es conscient que tu as dévié du droit chemin. Et tu sais encore il est où le droit chemin. C'est différent de celui non seulement qui dévie du chemin, mais qui pense que ce nouveau chemin qu'il a pris, c'est ça le haq. C'est ça la vérité. Il croit que c'est ça la sunna. Il croit que c'est ce groupe-là qui fait Firqatun Najiya, Taifatun Mansura. Il croit que Al-Sunna wa Jama'a, c'est cela. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné. Il détourne les shayatines, il détourne les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فحسبانهم لا يشفع لهم لأنهم ليس لهم عذر. Ainsi le fait qu'ils pensent, comme Allah l'a dit, ويحسبون, ils pensent, ils considèrent qu'ils sont sur le droit chemin. Est-ce que cela peut intercéder pour eux, pour les excuser? Non. Car ils n'ont pas d'excuses. حيث لن يراجع الكتاب والسنة حتى يعرف الحق من الباطل. Pourquoi ils ne sont pas excusables? Parce qu'ils ont suivi des diables sans avoir pris comme repère le Coran et la Sunna, afin de pouvoir différencier entre le vrai et le faux. وإنما ركبوا أهواءهم. Et ainsi, qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité? Ils ont suivi leur passion. C'est pour ça, lorsqu'on était chez Cheikh Mohammed ibn Mahdi al-Madkhali, lorsqu'on lui a posé la question, quel est votre conseil à ceux qui appellent, qui sont à la sunna, qui sont connus à être à la sunna, la du'at, en France? Il a répondu tout simplement d'accentuer la da'wa sur les gens qui sont qui sont dans les péchés, les jeunes qui sont dans les péchés. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à ramener à la vérité quelqu'un qui est dans le péché, parce que les gens qui sont dans les péchés, les jeunes qui sont dans les péchés, malgré qu'ils sont dans le marseillais, ils acceptent la vérité quand tu parles avec eux. Quand tu lui dis qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il accepte. Parce qu'il est dans les péchés. Il sait où est-ce qu'il en est. Quand tu parles d'in avec lui, il aime bien, jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal le guide sur le droit chemin, que tu sois la cause. وَأَصْحَابُ الْهَوَى الْهَوَى لَيْسَ لَهُ دَوَى. Quant aux gens de la passion, mais qui sont dans l'innovation, Cheikh l'a dit, il est très très dur de les ramener à la vérité. Parce que leur passion les a aveuglés au point de ne plus suivre cette vérité. C'est pas pour rien, pour le salaf. Al-Bid'atu. La bid'a est plus aimée pour le diable que le péché. Comme il a rapporté le salaf, lorsqu'il a mentionné que le diable est devant ses soldats Et il leur dit, le fils d'Adam me ramène vers la perte. Je le pousse vers les péchés, mais subhanallah, il demande encore pardon. Et il revient à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec l'istighfar, wa tawhid. Alors ils lui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé autre chose. Al-bid'ah. Je vais leur faire croire en sorte qu'ils adorent Allah Azzawajal, et s'ils pensent qu'ils adorent Allah par cette chose-là, alors ils ne demanderont jamais pardon sur cette chose-là. Parce qu'ils pensent qu'avec ça, on peut se rapprocher d'Allah. هذه الآية يحسبون أنهم مهتدون ils pensent qu'ils sont bien guidés ainsi ils sont fait berner par les الشياطين وإذا نقول الشياطين من الجن والإنس ليس من الجن فقط lorsqu'on dit les diables il s'agit des diables parmi les hommes comme parmi les djinns يحسبون أنهم مهتدون ainsi ils pensent qu'ils sont bien guidés ومع هذا حكم الله عز وجل بكفرهم وضلالهم. Mais malgré cela, malgré que ils pensent qu'ils sont bien guidés, Allah tabaraka wa ta'ala a jugé de leur mécréance ainsi que de leur égarement. De leur mécréance ainsi que de leur égarement. وفي الآيات الأخرى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. Et Allah Azzawajal a mentionné selon le sens des versets. Et certes, ils ont pris les diables comme alliés en dehors d'Allah. Et ils pensent ainsi qu'ils sont bien guidés. Regarde comment ils ont pris les diables parmi les hommes et parmi les djinns comme des alliés en dehors d'Allah. Ainsi ils les suivent et ils pensent qu'ils sont bien guidés. فَهَلُ الشَّيَاطِينَ يُرِدُونَ لَهُمْ الْخِيَرَ Est-ce que les diables veulent le bien pour eux? Depuis quand un diable veut ton bien? Subhanallah. مَقَالَ الشَّيْخُ بْنُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ Il parlait à quelqu'un qui disait في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وَثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ Quand un homme il est tout seul avec une femme, النبي صلى الله عليه وسلم a dit le troisième c'est le diable. La personne a commencé à polémiquer. Elle dit, oui, mais moi, ma handel waswas, non, il n'y a rien. Il lui dit, il lui conclut avec une phrase. Barakallahu fik. Qu'y a-t-il de bien lorsque deux personnes sont là et que le troisième, c'est le diable? Ash-shaytan. Qu'est-ce qui peut ressortir de bien après ça? Rien. Ainsi, s'ils les suivent, ces diables-là, qu'est-ce que cela va leur ramener rien du tout. Parce que les diables ne veulent pas le bien pour eux. وقال الله عز وجل ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Ainsi celui qui s'aveugle du rappel du miséricordieux miséricordieux, nous lui donnons un diable qui devient son compagnon inséparable. À qui Allah Azza wa Jalla l'octroie ça ? Il lui donne un diable qui devient son compagnon ? Celui qui s'éloigne du rappel d'Allah. Celui qui ne veut plus suivre Sunnah, qui ne veut plus suivre Kitab Allah Azza wa Jalla. Il a décidé de suivre autre chose ou quelqu'un d'autre. Ainsi Allah Tabaraka wa Ta'ala lui donne un compagnon qui est ce diable, yani Ash-Shayadin. Qui leur font croire qu'ils sont sur le droit chemin alors qu'ils sont égarés en vérité. يحسب الأتباع أنهم مهتدون فلن ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه لأنهم بلغتهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فلم يقبلوها. Ainsi, ils pensent, celui qui suit ces gens-là, ces shayatines parmi les djinns et parmi les hommes, ils pensent qu'il est bien guidé, mais cela ne lui profitable en rien. Et cela ne l'excuse pas. Cela ne l'excuse pas parce que la da'wah, la prêche des prophètes lui est parvenue, mais ils ne l'ont pas accepté. وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Celui qui sera excusé, c'est qui? C'est celui qui fait un ijtihad dans, hein, dans tout ce qui est les questions de l'ijtihad, de l'effort. Comment est-ce que c'est? L'effort d'interprétation. L'ijtihad, à la kulihad. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien mentionné Al-Hakim. Et il a bien dit Al-Hakim. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Parce que malheureusement aujourd'hui, des gens pensent qu'ils ont, ils ont les moyens de faire l'ijtihad. Même si le hafid, il pense qu'il a les moyens de faire l'ijtihad. Ijtahidu fi d-din wa yufti. Qala ba'du salaf man yufti hatta yufti bis-sawab wa laysa min ahli al-fatwa ithmun 'alayh. Celui qui fait le fatwa, même si dans sa fatwa ce qu'il dit est bon, mais il ne fait pas partie des gens de la fatwa, il prendra un péché. Donc ici il a bien mentionné qui? Al-Hakim. Celui qui, donc, qui a la capacité de juger, qui a la capacité de faire l'ijtihad. Ce sont les gens de science. S'il trouve la bonne réponse, il aura deux récompenses. La récompense d'avoir fait l'effort et la récompense d'avoir trouvé la bonne réponse. S'il ne trouve pas la bonne réponse, alors il aura une récompense, celle d'avoir fait l'effort. Quant à moi ou toi qui faisons partie des gens de la masse, nous on ne prend pas une récompense, nous on prend un péché. Parce qu'on ne rentre pas dans le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hakim. Donc on se doit de rester à notre place. هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها بل الواجب اتباع الدليل. Quant à aux questions de l'aqida, de la croyance, dans laquelle on se doit de se plier au texte religieux, personne n'a le droit de faire l'ijtihad sur ce genre de questions. Mais il est obligatoire de suivre quoi? Al-dalil, de suivre la preuve. Amma qawluhu wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Quant à la parole, ni même pour celui qui a abandonné la bonne voie en pensant que ceci est un égarement. Hein, il y a celui qui était sur la bonne voie, il considère que il délaisse cette voie-là. Les gens de la sunna, les gens de la sunna et de la jama'a, il pense que le chemin sur lequel il était, c'est l'égarement. ليس الأمر على الحسبان والظن فيأخذ ضلالة يحسبها هدى ويترك حقا يظنه ضلالة وظنه لا يشفع له لأن الهدى والضلال قد بينهما الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. Celui-ci n'a pas d'excuse non plus. Ce n'est pas parce qu'il pense ou qu'il croit à telle chose, hein, il commence à réfléchir ou il considère que il n'est pas une preuve. Parce que la vérité et le faux, Allah tabaraka wa ta'ala les a éclaircis dans le Coran, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a éclairci dans la sunna. Wa bayyanahuma as-salaf fi siratihim wa aqidatihim fal-haq wadih. ولله الحمد. ومن رحمة الله عز وجل أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. Ainsi que les pieux prédécesseurs ont montré ce qu'était la vérité et ont montré ce qu'était le faux dans leur croyance. La vérité est claire. ولله الحمد. Il fait partie de la miséricorde d'Allah que la vérité soit claire, aussi bien dans le Coran que dans la Sunna, ainsi que la guidée des pieux prédécesseurs. Hein, et non pas comme les peuples d'avant, ou bien Moubtadi'a, qui changent des textes, ou bien une chose simple, il te la fait passer comme étant compliquée. il délaisse les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui servent de repère, qu'on appelle Umm al-Kitab, qui sont des piliers dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels les autres versets doivent revenir à ces versets qui servent de piliers. Mais eux, ils font l'axe, ils font le contraire. Ou bien, il va penser une chose, il croit une chose, il en est convaincu, et il ira chercher dans le livre d'Allah, ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien chez le salaf, ou bien chez l'ulama, ce qui va coïncider avec ce dont il croit. Ça, ce sont les gens de l'innovation. Alors que le musulman qui est à la sunna, lui, c'est le contraire. Il ne croit pas tant qu'il n'a pas de dalil. Il ne dit pas tant qu'il n'a pas de dalil, la preuve. Et il ne fait pas tant qu'il n'a pas la preuve. Il prouve d'abord, ensuite il croit. Alors que l'autre qui suit sa passion, il croit, ensuite il va prouver. Dans le reste de sa parole, et certes, après que les ordres ont été rendus clairs, yani les ordres d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, na'am, qad buyyinat al-umur, lakinnaha tahtaju ila bahth wa ila talab, bi an yata'allama al-insan wa yatafaqqah. Alors une fois que les preuves sont parvenues, une fois que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout établi dans son Coran, et qu'il y a tout dans le Coran, et qu'il y a tout dans la sunna, alors toi il te reste une chose à faire, c'est de chercher la vérité. Et non pas de rester comme ça, ou de suivre le premier qui passe. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, comme ils disent salaf. C'est pas parce que quelqu'un il parle bien qu'il est à l'al-haq. Non. Ce n'est pas parce qu'il pleure devant toi qu'il est à l'al-haq. Ne pas se faire berner par ce genre de choses. On ne marche pas avec l'atif, avec des sentiments. On marche avec la vérité. N'oublie pas que c'est ton âme qui est en jeu. Ton âme, elle finira dans une des deux demeures. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ton âme, ou elle finit en enfer, ou bien elle finit au paradis. Le chemin qui mène au paradis, il n'y en a pas 15. Il n'y en a qu'un. Le kitab wa sunnah. Le tawhid wa sunnah. Les chemins qui mènent à l'enfer, ils sont nombreux. Et les gens qui y invitent, ils sont encore plus nombreux. Et les gens de l'enfer sont plus nombreux que les gens du paradis. Et les gens de la vérité sont minimes comparés aux gens de l'égarement. Alors ne rigole pas avec ce genre de choses. Sois comme une sentinelle. Sois strict sur ta religion. As-sitr. Il ne mentionne pas cette parole. D'être fortement accroché au Coran et à la Sunna. Tu ne laisseras personne passer devant Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Personne va devant Salaf al-Saleh dans ta religion. Tu suis la vérité et tu t'accroches à cette vérité. Même si tous les gens t'ont délaissé. Même si le Moubtadir il marche sur l'eau, même le Tabiur, on ne le suivrait pas. Ne te laisse pas influencer par la masse. Reste sur la vérité. Et reste accroché sur cette vérité. Ainsi, une fois que tu sais que la vérité est présente dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, est-ce que toi tu as la capacité d'aller chercher directement de comprendre cette religion de toi-même en prenant le Coran, et c'est toi qui vas nous ramener le fawahid, tafsir le Coran de toi-même? Là, il faudra demander aux ulama. Même le livre en lui-même il ne suffit pas. Le livre il est là, mais il faut un savant qui t'explique ce livre. Les livres que les savants ont fait, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, comme son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, Kitab Al-Aqida, Mufid Jiddan. Ce livre-là, s'il n'y a pas l'ulama pour nous l'expliquer, comment on va faire? Dans l'Aqid al-Wasitiyya, ce sont des versets, des hadiths, wa ba'd al-athar wa kalam shaykh, et des paroles, des qawa'id que shaykh al-Islam Taymiyyah le ramène. S'il n'y a pas un savant pour te les expliquer, comment tu veux retirer les fawa'id, les bonnes idées à tirer, et ce que l'auteur a voulu vraiment te faire passer comme message? S'il n'y a pas un savant entre toi et l'auteur, ce n'est pas toi qui vas trouver ça. Celui qui pense que les livres suffisent, wallahi, il s'est trompé. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin des ulama ou des mashaïkh, wallahi, il s'est trompé. وأمر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens du rappel, les ulama, si vous ne savez pas. Rujou' ila al-ulama wajib ala kulli muslimin wa muslimah. Revenir aux savants, c'est une obligation religieuse. Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné dans le Coran. Et c'est à toi d'aller vers eux. Lorsqu'Allah azza wa jalla parle des ulama, c'est toujours nous qui devons aller voir les ulama. Fait hadith, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est connu de l'homme qui a tué 99 personnes, à la fin il a tué 100. Quand il vient comme ça, qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'Allah peut me pardonner? J'ai tué 99 personnes. Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit, attends ici, on va ramener un alim? Non. Idhhab ila fulan. Va chez un tel. Donc on voit bien ici que c'est lui qui doit y aller. C'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui cherche la solution à ses problèmes. C'est à lui d'y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 99 personnes et on lui dit d'aller voir l'ulama. En espérant que toi, tu n'aies tué personne, comment tu peux te permettre de ne pas aller voir l'ulama? Sauf. Fais-le, demandez. Allez-y. Demandez aux gens du rappel. Ça veut dire qu'on doit aller voir l'ulama. On doit prendre la science chez l'ulama. Et respecter l'ulama. Quant à celui qui insulte l'ulama, autant. Délaisse-le. Celui qui cherche sa fitna entre les ulama, délaisse-le aussi. Tu n'as rien à faire avec lui et montre-lui que tu t'es désavoué de lui. Ensuite, وثبتت الحجة وانقطع العذر. Et les preuves ont été authentifiées et l'excuse n'est plus valable. ما لأحد عذر فهذا الدين صانه الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأماد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفيا. Ainsi, il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? D'une manière générale, parce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a jamais changé sa parole. Le Coran, sunnah, il y a sunnah. Et il ne l'a pas changé. La vérité est devenue claire. Et elle n'est pas déguisée par du faux. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ne déguisez pas la vérité en faux. Ou bien le faux en vérité. الحق الحق والباطل هو الباطل. Et Allah تبارك وتعالى n'a jamais mentionné une chose entre les deux. Il a mentionné ce qui est vrai et il a mentionné ce qui est faux. Il a mentionné le paradis, il a mentionné son contraire, l'enfer. Il a mentionné le tawhid, il a mentionné son contraire, le shirk. Il a mentionné le sunnah, il a mentionné le bid'ah. Il a mentionné le ta'ah, l'obéissance, il a mentionné la désobéissance. Il a mentionné la guidée, il a mentionné l'égarement. Quant à la personne qui vient avec le shubha en disant, vous dites cela alors que dans le fiqh, la jurisprudence, il est connu que les actes se divisent en cinq. Qu'il y a ce qui est haram et makruh, détestable, interdit et détestable. Qu'il y a de l'autre côté ce qui est obligatoire et recommandé. Et qu'il y a entre les deux, al-mubah, ce qui est permis. Wa shirna al-azimina rahimallah a répondu à cela en disant quoi? En disant al-mubah al-wasila. Al-wasila ila al-wajib ou al-wasila ila al-haram. Ce qui est permis dans les actes, ce qui est permis, donc ce qui est ni du domaine du haram, de l'interdit et du détestable, et ce qui est ni de l'autre côté de l'obligatoire et du recommandé, il y a ce qu'on appelle ce qui est le mubah, le permis. Le permis, est-ce qu'il est une finalité en lui-même? Non. Ce qui est permis doit t'aider à accéder à ce qui est mustahab et à ce qui est obligatoire. Donc ainsi, ce n'est pas une étape finale. Les deux étapes finales, c'est ou le haq ou le badl. Il n'y a pas entre les deux. Et ce qui est permis, c'est tout simplement quoi? Le wasila. C'est un moyen. Lorsque tu te sers d'une chose qui est permise, tu fais quelque chose qui est permis, ou bien cette chose-là va t'amener vers ce qui est recommandé et obligatoire, ou bien elle va te ramener vers ce qui est détestable et interdit. Donc on voit bien qu'en finalité, il n'y a toujours que deux choses, ou bien la vérité, ou bien le faux. Ça fait combien de temps? Ça? Une heure? والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم سبحان عزيز رزق المعجزين أنا قلت هذا للشيخ حرزة قال خفيف لنفسك وثقيلة لنفسك